n'aime pas les poutons, les moutons, les matons. Je les fume comme le père du matin. Ce que j'entends, je m'en tape. On n'aime pas les poutons, les moutons, les matons. Je les fume comme le père du matin. Ce que j'entends, je m'en tape. On va faire des braquages vocales, la mentale. Tu connais. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils, y'a rien qui m'arrête. L'esprit vient de la barrette, la moula dans la cigarette. Vénère au démarrage comme Sterling Goumarez. Mon cédule, j'envoie la race, le stud dans la RS. Gros, tu l'ouvres trop, je vais t'éjecter. Je fais monter ma caisse, pas de tracker détecté. Une fausse amitié, suspectée. Je crois que je vais me faire une pause de nain, histoire qu'il puisse becter. Je vais tout casser, fils de laisse-moi passer. Je passe à tracer, souvenirs effacés, parce qu'il y en a assez. Te ressasser les choses du passé. Faire de l'avant tout le temps, même si malheur que tu l'as. Bon matin, je me lève, je me fais un perso. Génération la débrouille, faut pas soucier pour percer. Au cas où tu as oublié, là c'est la zone en personne. Par les Giro et les j'ai été percé, j'suis pas le boss, mais j'les crosse. En bois, tu pourrais faire danser Ricross. D'origine corse, j'mets droit le cross. J'arrive en crabe pour eux, c'est atroce. Lunettes comme Matrix, gazeuse matraque. Il me reste un point au volant, ouais, j'fume la drogue. Elle veut que j'la drague, que j'fasse une drake. Elle veut la bague, mais moi je bug. Qu'elle tourne la bague en boucle. Ils sont même sur Snap et sur Facebook. J'fais que des plans, j'fais le pain. J'fais le plein, j'passe par Valplan. J'récupe le zin à la zan. Oh l'asile m'a vu, mais des coups de frein, ouais. Oh le zin. Oh le zin, oh l'asile m'a vu mes deux coups de frein, ouais. Je t'équipe en zoom, soudain ensemble. Pas de poussette, entre nous on cède. Qui est qui on le sait, si un fou on le sent. Si y'en a un qui fait le fou, direct on le sort. Évite de faire le bouille. Faut t'arrêter de porter des couilles. C'est pas tes affaires et tu fouilles. Tu vas avoir des embrouilles. Sous le casque intégral, y'a des mauvais garçons. Sous l'ensemble Keshua, y'a un cœur en glaçon. Le bout du calibre touche les couilles quand tu le mets dans le caleçon. Il fait le mec plein, tout bidon, que des contre-traçons. On n'aime pas les poutons, les moutons, les matons. Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'en tape. Au qu'à faire des braquages vocales, la mentale, tu connais. On n'aime pas les poutons, les moutons, les matons. Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'en tape. Au qu'à faire des braquages vocales, la mentale. Là, tu connais. On n'aime pas les poutons, les moutons, les matons. Je les fume comme le père du matin. Ce que j'entends, je m'entends. Bon qu'à faire des braquages vocales, la mentale. Là, tu connais, tu connais.